ابقى في اتصال مع الجزائر، استمع قناة الحرية على الانترنت. السلام عليكم يا أهل سلام، مرحبا بكم، bienvenue sur canal liberté. Qanat al-Hurriya, je suis content de refaire une émission avec vous ce soir, mais aussi avec un invité que nous avons via Skype pour parler de deux sujets, à mon avis, qui sont très intéressants, qui sont importants. J'ai un spécialiste, un psychologue et un spécialiste dans les questions de l'éducation. Il me corrigera plus tard. Qui s'appelle Monsieur Hassan Bougra. Monsieur Bougra, vous m'entendez? Bonsoir. Marhaba Bik, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, merci à vous et merci de m'avoir invité. Impeccable. En fait, comme je disais, je voulais faire une petite présentation. D'abord, juste si tu permets, comme on est d'origine du bled du Maghreb, est-ce qu'on peut se tutoyer et ça, c'est une forme de respect en fait. Si tu permets, on peut se tutoyer. Très bien. Donc, juste si tu permets, est-ce que tu peux te présenter vite fait par rapport à qui tu es et puis à ta formation et à ton métier pour venir à nos deux sujets. Tu peux même les introduire si tu veux. D'accord. Je m'appelle Hassan Rab Bougarra. Je suis originaire de Sétif. J'ai une formation de psychologue et de conseiller d'orientation scolaire et professionnelle. En Algérie, j'ai débuté ma carrière comme instituteur pendant quelques années. Ensuite, je me suis formé à l'Université d'Alger en qualité de conseiller d'orientation scolaire et professionnelle. Et j'ai complété le tout à la Sorbonne par une maîtrise de psychologie et au Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris par un diplôme d'études supérieures spécialisées en option psychologie du travail. Très bien. En Algérie, j'ai travaillé, j'ai travaillé pour la Sonatrach, notamment à Sime Saoud, dans le domaine de la gestion du personnel. Et je suis en France depuis un peu plus de 20 ans, où j'ai mené pour le compte de l'État français des programmes d'insertion sociale et professionnelle. Voilà, en très peu de mots, mon parcours scolaire et professionnel. Très bien, très bien. On va essayer de toute façon de détailler un petit peu plus tard, mais c'est, en fait, pour moi, c'est très intéressant de t'avoir invité ce soir parce qu'on va aborder deux sujets importants à mon avis. Le premier sujet, c'est un diplôme tout à fait particulier qui permet à ceux qui n'ont pas le bac d'aller à l'université. Et toi-même, tu le connais très bien pour l'avoir mis en place dans certains départements en France, dans certaines communes. Et c'est un diplôme qui permet donc aux gens qui, comme on dit, ils ont eu un échec scolaire à partir de la terminale, par exemple, ils n'ont pas pu aller à l'université. Ceux qui veulent aller à l'université sans passer par la case du bac, il y a la possibilité. C'est un diplôme qui s'appelle le DAEU, le diplôme d'accès aux études universitaires, qui est déjà mis en pratique, tu le connais, et si tu pouvais nous en parler, nous le présenter, à qui il s'adresse. Et sur cette partie-là qui concerne ce diplôme, je sais aussi que toi-même, tu as mis en place un organisme euro-méditerranéen, donc qui va concerner les pays de la Méditerranée, en ce qui concerne la mise en place de ce diplôme, qui à mon avis est très très important pour beaucoup de gens, mais que beaucoup ne connaissent pas. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce diplôme et en quoi il consiste en fait? Alors, ce diplôme qui... s'appelle le diplôme d'accès aux études universitaires, qu'on appelle par abréviation DAEU, et de plein droit l'équivalent du baccalauréat. Et donc, je dois dire tout de suite, il intéresse autant les jeunes Français, qu'ils soient d'origine étrangère ou pas, et il peut intéresser aussi les jeunes et les moins jeunes Algériens qui ont envie de donner je dirais, à une autre orientation à leur parcours professionnel. D'accord. Cette expérience, je l'ai menée en France, donc sur les départements du Lot et de l'Aveyron, pendant 12 ans avec l'Université de Toulouse-Le Mirail. C'est un diplôme, je vais dire, c'est un diplôme fabuleux. Je dis à tout le monde, jeunes et moins jeunes, alors bien entendu, ceux qui sont qui résident aujourd'hui en France, allez-y, informez-vous d'abord, et puis allez-y, foncez, vous avez tout à gagner en préparant un tel diplôme. Ah ouais, d'accord, très bien. C'est-à-dire le diplôme, comme je disais tout à l'heure, il permet à ceux, c'est-à-dire qu'il concerne donc pour le moment les citoyens français. On en parlera un petit peu plus tard dans l'émission de ce projet qui veut aller aussi dans les pays du Maghreb et les pays de la Méditerranée. Je veux dire, il concerne d'abord les gens qui veulent aller à l'université mais qui n'ont pas le bac, c'est ça? C'est un dispositif. Comment il fonctionne, en fait, ce dispositif? Alors, il permet, en fait, tout ce que le baccalauréat permet, le DAEU le permet également. C'est donc, au risque de me répéter, le DAEU est de plein droit l'équivalent du baccalauréat. Donc, des fois, on a besoin d'un tel diplôme pour passer un concours de la catégorie B, de la fonction publique française, bien entendu, un concours de la catégorie B qui exige le baccalauréat. Donc, voilà, c'est pas simplement aller à l'université, mais aussi, il permet d'aller notamment vers la fonction publique. Il permet aussi d'aller dans toutes les qualifications, même si elles ne se passent pas à l'université, toutes les qualifications qui exigent le baccalauréat, et notamment au sein d'un organisme très connu en France, qui s'appelle l'AFPA, l'Association Professionnelle pour la Formation des Adultes. Donc, tout ce que, en résumé, tout ce que le bac permet, le DAEU le permet également. D'accord. En disant aussi qui c'est, il concerne les jeunes, il concerne les moins jeunes. Est-ce que, c'est-à-dire, moi, je me dis comme ça, tel que je connais un peu la société, d'après ce que je connais de la société française, je me dis que peut-être que les jeunes qui sont plutôt issus des banlieues, etc., là où il y a le plus de difficultés concernant le cursus scolaire et tout, quoique ça ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne quand même quelques personnes, c'est peut-être ceux-là qui sont un peu c'est cela qu'il faut viser peut-être, non? Mais absolument, mais au-delà, c'est-à-dire que le système éducatif français met à l'extérieur tous les ans 150 000, entre 150 000 et 160 000 personnes. C'est énorme. C'est véritablement le frein, c'est même le frein à l'économie française. Alors, 150 000, il faut savoir que 150 à 160 000 jeunes par an, au bout de 10 ans, ça fait 1,5 million. Et aujourd'hui, dans un pays comme la France, on estime qu'il y a 10 millions de personnes qui n'ont pas le baccalauréat et donc qui seraient potentiellement candidats au DAU. Bon, mais les 10 millions n'ont pas besoin ni du bac, ni du DAU. Mais sur ces 10 millions, on peut dire qu'il y a au bas mot, aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a au moins 2,5 millions à travers la France qui auraient grandement besoin d'un tel diplôme pour redonner un sens à leur carrière. Peut-être pour d'autres, c'est tout simplement pour trouver une place au sein de la société française. Très bien. J'ai vu et j'ai montré un peu pendant qu'on discutait, j'ai montré un peu la couverture de ton livre qui s'appelle le diplôme d'accès aux études universitaires, le DAEU. D'abord une expérience pédagogique à partager. Ensuite un ascenseur social. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça fait référence? Un ascenseur social. Pourquoi ce diplôme serait-il un ascenseur social? Oui, alors je fais la démonstration que le DAU est un ascenseur social. Il permet notamment, c'est-à-dire que le DAU, il faut le savoir, c'est-à-dire si on le situe dans son histoire, le DAU a été créé pas exactement le DAU, mais le diplôme qui précédait le DAU, qui s'appelait l'ESEU, E-S-E-U, pour examen spécial d'entrée à l'université, a été créé en 1969, comme dirait M. de la Palice, une année après 1968. Donc cet ESEU a été créé sous, je dirais, la revendication sociale qui était à ce moment-là particulièrement forte. Pourquoi une revendication sociale ? Parce que l'université française de l'époque n'accueillait pas suffisamment d'enfants de la classe ouvrière. Et par le biais de cet examen spécial, on a permis à beaucoup d'enfants d'ouvriers d'aller à l'université. Toujours pour rester un tout petit peu dans l'histoire de l'ESEU, l'ESEU a commencé à grandir, à être connu, etc. Mais aussi, les universités, très rapidement, se sont mises à, on va dire, à créer des spécificités au niveau de chaque établissement. Si bien qu'à la fin, l'ESEU obtenu à Paris n'était pas reconnu par Marseille et vice-versa, et je dirais aussi, celui de Toulouse n'est pas reconnu par Marseille, et inversement. Donc, en 1994, donc, allez, on va dire à peu près, ça va faire bientôt 20 ans, en 1994, par décret ministériel, on a créé le diplôme d'accès aux études universitaires pour en faire un diplôme national qui, lui, est valable dans toutes les universités. Ah ouais, très bien. Moi, je sais, j'ai vu, de toute façon, moi, j'invite les gens à venir sur ton blog, etc. Moi, je mettrai tous les liens là où je mettrai sur le site elhouria.com et sur ma page YouTube où je posterai cet entretien. Je mettrai les liens pour aller sur ton blog, pour comprendre. Je me dis, c'est-à-dire, est-ce que il y a 150 000 personnes qui sortent du système éducatif chaque année, sur 10 ans, ça fait un nombre important de personnes. Et combien de personnes ont suivi cette formation ? C'est-à-dire, est-ce que relativement aux gens concernés potentiels, est-ce qu'il y a du répondant ? Est-ce que les gens ont recours à cette méthode ? Est-ce qu'il y a de l'information ? Tu me disais l'autre fois, discutait. Mais justement, là est le problème. Il n'y a pas assez d'informations. Le diplôme d'accès aux études universitaires est aujourd'hui très peu connu, même dans les cercles de l'éducation nationale. Interrogez des professeurs, ils ne sauront pas vous dire plus d'une dizaine de mots à propos du diplôme d'accès aux études universitaires. Très très peu connu. Et là où il est le plus connu, c'est dans ma région, ma région de résidence, la région des Pyrénées, où l'université de Toulouse, le Mirail, se place à la tête de l'ensemble des universités de France en matière de préparation de DAU et qui m'a permis à moi, avec mon précédent organisme, de le proposer en zone rurale. Il faut savoir qu'en zone rurale, en dehors de ce que personnellement j'avais fait sur les départements du Lot et de l'Aveyron, le DAU, pour ainsi dire, n'existe pas. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui nous écoute dans une petite ville, il n'a certainement jamais entendu parler du DAU. Et donc mon objectif, on en parlera après, mon objectif c'est de porter le DAU au plus près du citoyen et pourquoi pas, je l'espère en tout cas, porter le DAU sur le bassin méditerranéen, et notamment sur le Maghreb, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Nous verrons bien pour d'autres pays, mais en tout cas, notamment en ce qui concerne l'Algérie, si l'Algérie a la volonté de l'introduire, en tout cas, il va apporter des solutions à beaucoup de jeunes. Si l'Algérie est prête à l'accueillir, nous l'apporterons et nous ferons de telle sorte que ce soit un diplôme qui doit mener vers l'excellence. Très bien, on y reviendra sur l'Institut euro-méditerranéen là, qui est dédié à ce dispositif. Oui, bien sûr. Très bien. Juste une petite question sur, c'est-à-dire comment ça se passe toi-même qui a été, en plein dans cette expérience. Comment ça se passe en fait pratiquement les gens comment ils viennent en fait, à partir de quels moyens, comment ils vous trouvent en fait les gens. Puis ensuite, comment se passe le cursus? C'est quoi le cursus en fait de ce diplôme? Alors, d'abord, il faut dire que on a dit, l'information est rare à propos du DAU. Le gouvernement français ne fait pas suffisamment de promotion à ce diplôme. Alors, la promotion, nous la faisons nous-mêmes, et en tout cas, moi, j'ai fait cette promotion sur les départements du Lot et de l'Aveyron. Et peut-être je vais dire quelque chose qui va faire sourire les uns et les autres. Il m'est arrivé même d'aller sur les marchés et d'avoir une table, un panneau, et de faire la promotion du DAU sur le marché. Et là, dans mon département, un département qui est très petit, c'est-à-dire l'ensemble de la population du département du Lot, on la caserait dans un petit coin de Paris, c'est à peine 160 000 habitants dans la totalité, et moi, il m'arrivait, avec ma petite structure, de faire autant d'inscrits et d'admis que certaines universités. C'est pour vous dire que ailleurs, dans d'autres universités, en dehors de Toulouse-le-Mirail, certaines universités font très peu. Je ne veux pas citer précisément d'université, mais il y a une université parisienne qui, l'an dernier, a fait 23 inscriptions. Autant dire, ce n'est rien du tout. Marseille, cette année, a fait 166 inscriptions. C'est rien du tout au regard du potentiel de la ville de Marseille. Et comment ça s'est passé avec, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avec l'université de Toulouse qui a accepté, qu'est-ce que ça donne cette expérience en fait? C'est une expérience que je relate donc dans ce livre, c'est une expérience qui a été appréciée. Je crois qu'à l'époque, il y a maintenant à peu près une quinzaine d'années, c'était juste après la création du DAU, le président de l'université de Toulouse-le-Mirail m'a fait confiance, il a examiné mon projet, il l'a fait examiner par les professeurs de l'université, d'ailleurs qui m'ont passé un véritable examen, et malgré, il y avait des sceptiques, et malgré tout cela, il m'avait fait confiance, et le DAU a très très bien marché. Et donc le travail que moi je faisais, loin de l'université de Toulouse-le-Mirail, l'université elle-même, à son tour, en profitait, parce que notamment quand je faisais la promotion du DAU sur le marché dans ma ville de Figeac, il y avait des touristes qui, de passage, apprenaient l'existence du DAU et allaient à leur tour en parler. Donc, par mon biais, beaucoup de gens, qu'ils soient de la région Midi-Pyrénées ou pas, ont pu prendre connaissance du DAU et ils ont pu le préparer ailleurs, là où il est proposé. Très bien. Est-ce que ma question un peu naïve, je pense, est-ce que c'est pas parce que les gens ne sont pas intéressés? Ça veut dire que quelqu'un, quand il est éjecté du cursus scolaire, il n'a plus l'intention d'y retourner, ou là, est-ce que c'est pas par les gens ne sont pas intéressés, ou bien y a-t-il un engouement en fait quand les gens ils apprennent ça? Toi qui es allé sur, toi qui as posé une table sur une place publique pour informer les gens, comment y répondent les gens par rapport à ça? Alors, d'abord, ta question, elle n'est pas du tout naïve, elle est importante. C'est-à-dire que les gens, beaucoup de personnes gardent, malheureusement, je dis bien des gens qui viennent nous voir, naturellement, je ne parle pas des autres, bien sûr, la France est aussi, s'il y a le système scolaire produit des situations d'échec, il produit aussi de l'excellence. Nous ne sommes pas là pour parler de l'excellence, tant mieux pour eux qu'ils continuent, et c'est très bien comme ça. Et pour revenir un peu au DAU, et bien sûr que c'est un public qui garde un mauvais souvenir de l'éducation, et donc il va falloir l'accueillir différemment, le former différemment, lui expliquer que cela est possible, parce que la première des choses, et là je m'adresse, je dirais, directement aux candidats potentiels. Beaucoup de candidats me disent tout de suite, le premier mot qu'ils me disent, « Ah, mais ça, ce n'est pas pour moi. » Mais je leur dis tout de suite, « Mais attendez, asseyez-vous, nous allons en parler. » Et au bout de 30 minutes, 45 minutes de discussion, ils repartent convaincus que cela est tout à fait possible. Alors tout à l'heure, on a dit quel est le niveau préalable pour préparer le diplôme d'accès aux études universitaires. Et puis comment ça se passe le cursus aussi, en même temps, hein, excuse-moi. Oui, on va y arriver. Quel niveau faut-il pour préparer le DAU? On n'a pas besoin d'avoir été en classe de terminale. Bon, si on a été en classe de terminale, ça veut dire que le DAU va être presque, allez, je vais exagérer exprès, va être une formalité pour les personnes qui ont fait une terminale. Le DAU, vous allez l'obtenir les yeux fermés. Beaucoup de candidats, je dirais la majeure partie des candidats, sont des personnes qui sont d'un niveau de troisième. Et je le répète ici, un niveau de troisième est amplement suffisant, notamment pour ceux qui ont eu la chance d'avoir une petite expérience professionnelle. Je le dis, le psychologue du travail le leur dit, on n'apprend pas qu'à l'école. Quand on est au travail, on apprend aussi. On apprend aussi au sein de sa famille. Donc quand on a quitté l'école, on n'a pas cessé d'apprendre. On apprend tout le temps. Donc, je dirais, en termes de résultats, il y a de bons résultats observés avec les élèves de terminale et il y a de bons et même de très bons résultats observés avec des personnes qui ont été seulement en classe de troisième. Très bien, merci beaucoup. Sur le cursus, ça veut dire, c'est quoi l'idée du... moi, j'ai cru lire sur ton site où tu expliquais ça, que c'est un accompagnement qu'on fait à ces gens. Donc, il y a donc des enseignants, des formateurs qui sont là. Oui, tout à fait. Je me demandais d'ailleurs, ces formateurs, est-ce qu'ils sont rémunérés? Comment ça se passe en fait? Est-ce que c'est du bénévolat? Ensuite, Pas du tout. C'est un organisme de formation tout à fait, je dirais, comme n'importe quel autre, donc que des salariés. Bien sûr, s'il y a des bénévoles qui viendraient en plus rapporter une petite heure par-ci ou par-là, ces bénévoles sont les bienvenus, naturellement. Mais ce n'est pas du bénévolat, c'est un organisme de formation. D'ailleurs, mon précédent organisme de formation, c'était un petit centre universitaire. Alors, on a dit qu'un niveau de classe de troisième est suffisant, parce qu'aussi le DAEU, allez, on va dire, c'est un baccalauréat qui est adapté aux adultes. Il y a simplement 4 matières à préparer. Le français, bon, si tu veux, tout à l'heure, on pourra rentrer dans le détail. Mmh. Il y a la langue. Alors, en général, en France, les gens prennent en général l'anglais, mais ça arrive aussi l'espagnol. Mais pourquoi pas d'autres langues? Moi, j'ai accompagné des personnes qui ont préparé le DAU, mais qui avaient un bon niveau en arabe. Donc, ça veut dire aussi que par rapport au DAU, et comme ils ont un bon niveau en arabe, le succès est encore, je dirais, plus aisé. On peut prendre l'arabe ou on peut prendre n'importe quelle autre langue pourvu qu'elle soit enseignée à l'université. Après ces deux langues dites obligatoires, français et une langue, il y a 2 matières à choisir parmi 4 et qui sont histoire, géographie, économie et mathématiques. Donc le DAU, c'est 4 matières à préparer. 2 obligatoires, 2 optionnels. Alors, toutes ces matières sont en relation étroite avec le baccalauréat, sauf les mathématiques, qui sont, allez, on va dire, qui ne sont pas tout à fait du niveau du baccalauréat, mais c'est une matière qui permet d'accélérer la réussite aux études post-bac. Alors, moi, j'encourage souvent mes stagiaires à retenir parmi les matières optionnelles, de retenir les mathématiques. D'ailleurs, c'est un professeur de mathématiques, le professeur Yves Lignon, professeur de mathématiques et de statistiques, qui a préfacé l'ouvrage que tu as indiqué tout à l'heure, le DAU, un ascenseur social. Très bien, très bien. Est-ce que, c'est-à-dire, en parlant, en préparant l'émission, là, l'autre fois, on avait discuté un petit moment, tu me disais, tu parlais d'épanouissement et ça permettait l'épanouissement des gens. C'est-à-dire, tu donnais même un exemple, si je me rappelle bien, de quelqu'un qui avait réussi, qui était devenu quand même, il me semble, responsable dans une préfecture, un truc comme ça, il me semble. C'est-à-dire, les gens qui sont passés par là, est-ce que ça leur donne quand même, ou les exemples que tu connais toi-même, est-ce que ça a donné quelque chose? Alors, le DAU, bien sûr, c'est du savoir. Le DAU, c'est du savoir. Mais il y a une relation importante entre le savoir et le savoir-être. Alors, le DAU intervient aussi au niveau du savoir-être, il intervient aussi au niveau de la personnalité, il booste la personnalité, il donne de l'envie, il donne de la volonté, il donne du courage, et finalement, il donne même du bonheur. Parce que le bonheur d'apprendre est un bonheur particulièrement important, c'est-à-dire que je le dis, comme je le dis à tout le monde, moi je suis un intervenant d'une double culture, je suis à la fois algérien qui a baigné dans une culture, la culture de mes parents, une culture algérienne, qui a aussi, on va dire, c'est une culture musulmane, et aussi la culture de ma formation, une culture occidentale, une culture française. Et dans la culture de mes parents, on nous a toujours dit, on nous a toujours lancé ce message, comme le dit le prophète, Apprenez du berceau au cercueil. Et donc, le bonheur d'apprendre est un bonheur exceptionnel. Bien entendu, le public que nous accueillons est un public qui a été privé de ce bonheur. Et quand il va regoûter, quand on va lui donner, bien entendu, il faut savoir, il faut avoir du savoir-faire pour transmettre tout cela. Les gens connaissent un bonheur exceptionnel, ils ont après une motivation, ils ont un enthousiasme qui leur permet par la suite de réussir des parcours universitaires tout à fait exceptionnels. Je peux en citer plein parmi mes anciens stagiaires qui sont aujourd'hui particulièrement bien établis, qui m'écrivent tout le temps, qui me remercient tout le temps de leur avoir permis justement d'accéder à du savoir et d'accéder à un diplôme qui a, pour beaucoup, beaucoup, qui a transformé leur vie. Très bien, impeccable. C'est pour ça que moi, je pensais vraiment que c'était important d'en parler, parce que, à mon avis, il doit y avoir beaucoup de gens qui seraient intéressés par ça. Souvent, on n'y croit plus quand on a échoué au bac, on rentre dans un circuit, un cursus qui est différent. Des fois, on n'y croit plus, alors que moi-même, je pense qu'il y a des gens sûrement qui seraient intéressés. Et à la fin de ce diplôme, ça dure combien? C'est un diplôme qui se prépare en un an, c'est ça? Et il y a un examen? Oui, bien sûr. Alors, c'est un diplôme qui se prépare sur une année universitaire. Alors, je le dis tout de suite à ceux qui, peut-être, parce que certains n'ont pas suffisamment de temps à consacrer, etc. Mais si vous n'arrivez pas à l'obtenir en un an, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le passer en 2 ans, vous pouvez le passer en 3 ans, vous pouvez le passer en 4 ans, et même, vous pouvez le passer en 5 ans, moyennant dérogation du président de l'université. Mais en règle générale, même si je parle maintenant des 5 ans, on n'a presque jamais besoin des 5 ans. Allez, on va dire peut-être pour les personnes dont la langue maternelle n'est pas le français, qui partent d'un peu loin, je pense un peu à toutes les personnes qui viennent du Maghreb, et donc qui peut-être, sur le plan du français, elles ne sont pas tout à fait du niveau, qu'elles prennent un peu plus de temps, il n'y a aucun problème. Donc l'important, c'est d'obtenir le diplôme, d'accéder à une qualification post-bac par la suite, qui va vous donner du boulot, que ce soit ici ou dans le pays de vos parents, il n'y a pas de souci. L'important, c'est de pouvoir travailler, et donc vous allez pouvoir le faire, et même, je dirais, travailler. Vous avez la possibilité, grâce au DAU, d'aller très très loin, pourquoi pas devenir aujourd'hui, devenir ingénieur, c'est tout à fait possible, aller même au-delà, le doctorat, il y a pas mal de personnes qui aujourd'hui sont médecins avec le diplôme d'accès aux études universitaires. Ça, après, c'est une question de moyens. Alors, en France, et je le dis notamment à ceux qui résident aujourd'hui en France, le DAU, vous aurez la possibilité de le préparer en conservant vos allocations ACEDIC, maintenant Pôle emploi. Vous pouvez bénéficier d'une rémunération, vous serez accompagné dans le cadre du RSA. Il y a plein de choses qui peuvent vous permettre d'obtenir ce diplôme et surtout d'aller au-delà. Très bien. Et avant de passer à la seconde partie, peut-être une petite partie consacrée à l'Institut euro-méditerranéen qui a été créé pour ce dispositif, je voulais juste savoir d'abord, imaginons n'importe quiconque est en train de nous écouter, il est intéressé par cette formation parce qu'il veut avoir ce diplôme qui permet d'aller à l'université. Comment il doit faire pratiquement, comment il doit faire pour trouver la chose, et est-ce que ça se prépare sur Internet, est-ce qu'on peut faire une préparation à distance? Oui, alors, merci Samir de me poser cette question. Alors, d'abord, comment faire? Les personnes qui habitent aujourd'hui pas loin d'une université, elles peuvent dès le mois de février ou le mois de mars, ou en tout cas sans attendre février ou mars. Allez-y sur Internet, vous tapez DAU, vous allez avoir plein d'informations. Informez-vous, vous pouvez venir sur la page Facebook que j'ai créée pour le DAU ou pour Euromed. Ils viennent sur la page Facebook, ils posent des questions, je leur répondrai. Éventuellement, ils vont sur mon blog, ils posent des questions, je leur répondrai. Préparez-vous. Déjà, préparez-vous, prenez connaissance du DAU avec précision. Et la prochaine session qui va démarrer avec la rentrée 2014-2015, vous allez vous inscrire à l'université la plus proche. Mais malheureusement, pour beaucoup, il y a des contraintes de déplacement, etc. Pardon, excusez-moi. Il y a moyen de s'organiser. Organisez-vous. Peut-être, pourquoi pas, organiser du covoiturage pour que vous puissiez, par exemple, si vous êtes un peu loin de l'université, si vous êtes à 3 ou 4, vous pourrez faire le déplacement parce qu'en règle générale, à l'université, les cours ont lieu le soir et parfois le samedi. Donc, pour aller ensemble, vous minimisez les coûts et vous allez participer à la formation à l'université. Pour les personnes qui sont en Midi-Pyrénées, vous pouvez, bien entendu, prendre contact directement avec l'université de Toulouse, le Mirail, qui vous donnera toutes les informations. Mais vous allez, sans y aller, vous allez sur le site de l'université de Toulouse, le Mirail. Vous allez consulter les informations, parce que la première étape, c'est de vous informer. Mais je ne suis pas là pour vendre mon livre, le DAU, un ascenseur social, mais pour les personnes qui ne veulent pas parcourir des écrans, etc. Mon livre coûte 9 euros, c'est pas énorme, vous pouvez vous mettre à 9, vous l'achetez, ça vous coûtera 1 euro, vous l'achetez, vous le passez entre vous, vous aurez toutes les informations. Je veux dire, quand j'ai mis le diplôme d'accès aux études universitaires, une expérience pédagogique à partager, je vise par là aussi des organismes de formation qui existent et qui peuvent développer leur catalogue de formation en proposant le DAU. Parce qu'aujourd'hui, en dehors des universités, des organismes comme le mien, c'est-à-dire qui ont un statut associatif et qui font le DAU, il n'y en a pas des masses. À l'époque, j'étais seul. Il doit y en avoir aujourd'hui à travers la France. Il doit y en avoir 2 ou 3. Ce n'est pas beaucoup, mais beaucoup d'organismes de formation peuvent aujourd'hui développer leur catalogue de formation en proposant le DAU. Et moi, je suis prêt, par exemple, notamment dans les banlieues, parce que moi, je ne vais pas être partout, mais je vais pouvoir quand même donner des conseils, accompagner la mise en place, etc. S'il y a des organismes de formation qui veulent intégrer à leur catalogue le DAU, je leur montrerai comment monter le projet, je leur expliquerai, les professionnels comprendront, je dirais plus rapidement, je leur montrerai comment on met en place le DAU, ils pourront le mettre. Pour moi, je n'ai rien, je dirais à la limite, je n'ai rien à gagner, mais je sais que quelque part, l'humanité, en parlant de mes compatriotes maghrébins et français vont avoir à y gagner, et c'est ça qui me motive le plus. Alors, en termes de cours, à l'université, comme dans mon organisme, ça se passe à peu près de la même façon. Il y a des cours du soir, par exemple, dans mon organisme, ce sont des formateurs et des formatrices, des salariés, hein, des salariés qui assurent les cours. On a aussi trois déplacements dans l'année à faire à l'université pour rencontrer d'autres personnes qui préparent le DAU à l'université. Mais c'est aussi l'occasion de rencontrer les professeurs de l'université. Parce que chaque professeur d'université, il est responsable de la matière enseignée. Bien sûr, moi j'ai la responsabilité de mon organisme, j'ai la responsabilité de mon équipe, mais j'ai au-dessus de moi la responsabilité pédagogique de l'université à travers ses professeurs. Très bien, comme quoi c'est quelque chose de sérieux, de strict. Et est-ce que, c'est-à-dire, ça sera peut-être une petite transition pour parler de l'Institut Euromed, mais comment ça s'installe, tu me disais l'autre fois, par exemple, en région parisienne, où potentiellement il y a des gens qui seraient intéressés, il n'y en a pas tant que ça, des centres de formation où cette formation n'est pas vraiment proposée. Je crois que ça n'existe pas du tout, pour l'instant ça n'existe pas, et j'espère que des Parisiens, ou en tout cas d'Île-de-France, nous entendent, et ils peuvent mettre en place ce diplôme, qui va être une source de solution. Et quand au moment où je m'adresse, je dirais, aux candidats potentiels, je m'adresse aussi au tissu associatif. Ces associations culturelles, sportives, elles ont le devoir de faire passer cette information. Il y a des associations qui, même je dirais qui ne sont pas organismes de formation, doivent parler du diplôme d'accès aux études universitaires afin que leurs adhérents puissent aller vers des solutions en termes d'emploi plus satisfaisantes. Mais je profite aussi de l'occasion et j'espère qu'il y a des élus qui nous écoutent. Les élus, c'est aussi leur problème. Les problèmes d'éducation, les problèmes d'emploi sont des problèmes d'élus. Et il faut que les élus s'emparent de ce diplôme d'accès aux études universitaires qui, encore une fois, je le rappelle, est un diplôme fabuleux. Et je dirais, c'est, comme le disaient tous nos anciens, c'est le pauvre doit y trouver une solution à tous ses problèmes, à ses problèmes d'abord de formation et de qualification, et à ses problèmes d'emploi et de revenus. Très bien, ça peut être très intéressant. Pour l'Institut Euroméditerranée, c'est-à-dire, tu penses, c'est ce que tu me disais quand on en parlait juste avant l'émission, tu penses que ça pourrait intéresser ce dispositif, cette formation, cette façon d'aider les gens qui n'ont pas pu aller à l'université par la voie normale. Est-ce que tu penses qu'elle peut intéresser les autres pays comme l'Algérie, puisque votre institut il concerne la Méditerranée, tu penses que ça peut intéresser ces pays-là? Absolument, on a besoin d'abord tous les pays, même je commencerai par la France par exemple. Ce matin j'ai mis sur ma page Facebook une information que j'ai glanée ce matin à la radio, et donc j'en ai fait, puisque je publie tous les matins un petit billet sur Facebook. 20% des salariés des abattoirs GAD sont des illettrés, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas l'écriture et la lecture. 20% d'une entreprise, c'est quand même surprenant pour un pays comme la France. Alors, mais ces gens-là, on aurait dû, mais ce n'est pas attendre aujourd'hui qu'ils se retrouvent au chômage. C'est, je dirais, avant même, pendant, en cours d'activité, on aurait dû leur proposer quelque chose qui leur permette de devenir autonomes sur l'usage de la langue, mais sur les principales compétences, lecture, écriture et calcul. Et ces 20% qui sont aujourd'hui illettrés, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer en termes de reconversion? Eh bien, je dis, hélas, on va pas à leur proposer grand-chose, il n'y a pas grand-chose à leur proposer. Alors que les personnes qui ont le baccalauréat, ont la possibilité de faire autre chose, de se reconvertir, et quel que soit le niveau, on a toujours la possibilité de rebondir quand on a les outils pour le faire. C'est valable pour la France comme c'est valable pour les autres pays, c'est ça? Mais absolument. Alors, pour dire un peu pour le Maghreb que c'est aussi une solution intéressante. Mais bien sûr, si on dit qu'aujourd'hui le système éducatif français, qui est le système éducatif, ces jours-ci, on a parlé du rapport PISA, etc. La France, qui est un pays développé, très développé, et elle a quand même un système éducatif qui n'est pas assez performant. Alors que doit-il en être des systèmes éducatifs du pays de nos parents? C'est sans doute la situation est plus critique qu'en France, et donc le DAU va être une réponse. Et pour dire un peu, aujourd'hui, par exemple, au Maroc, il y a des organismes de formation qui ont le statut de société, donc c'est des organismes véritablement privés, qui proposent le DAU au Maroc. Et il y a aujourd'hui de jeunes Marocains qui ont préparé le DAU au Maroc et qui préparent des qualifications post-bac dignes de ce nom, qui va leur permettre de s'insérer, etc. Mais chacun sait, il ne faut pas nous leurrer. Ces sociétés privées visent un public qui a les moyens financiers, parce qu'il n'y a pas... Ce sont des formations payantes. En tant que formation payante. Et donc, j'imagine qu'au Maroc, ce ne sont pas les fils de pauvres qui vont profiter du DAU. Alors, par le biais d'un organisme comme le nôtre, et nous, on se revendique comme, non seulement la qualité, si vous voulez, on va revenir là-dessus tout à l'heure par rapport à la qualité, parce que nous avons quand même la certification d'une université. Nous avons le label pédagogique d'une université. On va revenir ici. Et ceci dit, indépendamment de ça, mon discours à mes futurs stagiaires ou à mes anciens stagiaires, c'est de leur dire tout le temps, attention, un diplôme pour lequel vous n'avez pas peiné, pour lequel vous n'avez pas travaillé, il ne vous servira pas à grand-chose. Alors, peinez, travaillez bien comme il faut pour ce diplôme, et il vous le rendra bien. Donc, j'étais en train de dire que donc au Maroc, il y a des sociétés aujourd'hui qui proposent le DAU. Alors, nous, si on va proposer le DAU au Maroc, en Algérie, en Tunisie, j'espère bien ailleurs, peut-être même, pourquoi pas, en Palestine, c'est pour nous intéresser aux classes défavorisées. C'est notre orientation sociale, nous l'affirmons. C'est-à-dire que les riches, de toutes les façons, n'ont pas besoin de nous. Donc, nous, on va s'adresser, bien sûr, on ne va pas leur dire non, parce que toujours, mais quand vous accueillez des riches qui vont pouvoir apporter de l'argent en plus, l'argent est toujours le bienvenu, parce que c'est un combat important, difficile, et sans argent, on ne peut rien faire. Donc, on a besoin d'argent, et donc les riches, on ne leur dira pas non, mais notre vocation première sera d'accueillir les personnes issues des classes défavorisées. Je voudrais dire un dernier mot par rapport au DAU en France. Aujourd'hui, ce sont les chiffres du ministère de l'Éducation nationale français, le DAU est essentiellement exploité par les enfants des classes, on va dire plutôt, supérieures, et pas les classes défavorisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le DAU, même le DAU en France, il a un peu perdu de sa vocation d'être véritablement un ascenseur social au profit des classes défavorisées. Et, encore une fois, je reviens par rapport à la qualité, elle est garantie par le label de l'université. Par exemple, dans les pays du Maghreb, Algérie, Maroc et Tunisie essentiellement, mais on peut le mettre aussi ailleurs, la langue, vous vous rappelez les matières du DAU, le français, une langue, et puis deux autres matières. On peut, pour au Maghreb, par exemple, dire que je n'aime pas le mot, mais on peut le dire, mais peut-être que la langue qui sera proposée, c'est seulement l'arabe, afin que de donner à ce diplôme une dimension bilingue français-arabe. Mais je dirais, c'est une possibilité si on a on a quelques craintes par rapport à on va dire certains vont dire bon mais pourquoi la langue française etc. Nous on s'en fout, c'est pas la langue française, c'est la solution que la langue française permet d'obtenir. D'accord. C'est-à-dire, est-ce que, si j'ai bien compris, avant de revenir à peut-être une dernière question, on est quasiment à une heure, enfin on a fait un peu 50 minutes je pense, on va essayer de résumer pour la fin. D'abord, si j'ai bien compris, les jeunes, ils pourraient passer un diplôme, le DAEU, en Algérie ou en Tunisie ou là au Maroc. Et ça leur permet d'aller à l'université. Est-ce que ça va être considéré comme un diplôme français en fait? C'est-à-dire, est-ce que ça permet d'avoir, de pouvoir s'inscrire par exemple à une université française ou même ailleurs pour les jeunes qui veulent aller. C'est de plein droit. Mais c'est vous dire un peu. Je vais vous raconter une petite anecdote pour vous dire que le DAU, même en France. Avec son ancienneté, avec tous ses dispositifs, avec ses psychologues, ses conseillers, etc., le DAU n'est pas très connu. Il n'y a pas très longtemps, j'avais une jeune stagiaire qui avait envie de faire une carrière dans la police. Et elle vient me voir, et donc bon, mais je lui dis, bah, là, voilà, mais préparez le diplôme d'accès aux études universitaires et vous allez rentrer à l'école de police. Dans une école de police, pour ne pas la nommer, c'est l'école de Nîmes, une école très cotée. Et donc elle dépose son dossier après obtention du DAU, et quelques temps après, l'école de police lui écrit, lui dit, madame, votre dossier est rejeté, vous ne remplissez pas les conditions. Elle est venue me voir en larmes. Et comment, monsieur Bouguera, vous m'avez raconté des histoires, le DAU n'est pas valable. J'ai dit non, mais attendez, donnez-leur les références du décret, les références précises du décret de 1994, et vous allez voir ce qui va se passer. Alors, c'est ce qu'elle vit. Et quelques jours après, l'école de police la rappelle, lui réécrit à nouveau, lui disant « Excusez-nous, on ne savait pas, et donc non, votre dossier est accepté. » C'est pour vous dire que, même par exemple, en parlant d'une école de police, elle ne savait pas qu'il y avait ce DAU, qu'il est de plein droit l'équivalent du baccalauréat. Et donc, que ce soit, bien entendu en France, il ouvre toutes les portes, mais on a au Maghreb notamment, en tout cas sur le bassin méditerranéen, il ouvrira les mêmes portes parce qu'il y a des conventions qui permettent de reconnaître les baccalauréats entre les différents pays. Il y a des conventions bilatérales entre le Maroc et la France, entre l'Algérie et la France, entre la Tunisie et la France, etc. Il y a des conventions qui permettent la reconnaissance respective des diplômes. Il y a aucun souci par rapport à ça. Et quand je sais qu'aujourd'hui, il y a des écoles supérieures qui ont, on va dire, qui sont plutôt étrangères, qui s'installent dans tous ces pays, du Maroc jusqu'à la Tunisie, en passant par l'Algérie. Donc, c'est les jeunes qui vont obtenir le DAU. Là, ils vont pouvoir effectuer un parcours universitaire dans ces établissements. Et les meilleurs d'entre eux, mais bon, mais on n'en est pas là. Les meilleurs d'entre eux, et en tout cas, ceux qui ont de la famille ici, qui ont la possibilité d'être hébergés, etc., ils peuvent, il n'y a pas de problème, ils peuvent s'inscrire à l'université française sans aucun problème. Très bien, très bien. Et il en est où cet institut qui se donne comme objectif de gérer ça? Il a été créé, l'institut, est-ce qu'il est implanté? Est-ce qu'il a déjà pris des contacts? Est-ce que par exemple en Méditerranée, il y a déjà des choses qui se sont passées ou ça reste à faire? Alors, l'institut, donc qu'on appelle par abréviation Euromed, Euromed est l'abréviation qu'on a retenue pour l'Institut Euro-Méditerranéen d'études, de recherche, de formation et de promotion des valeurs universelles. Nos pays, le Maghreb, s'ouvrent à la démocratie et nous allons travailler dans un esprit démocratique en essayant, je dirais, d'apporter quelques solutions à tous les citoyens. Maintenant, Euromed, par exemple, si on peut apporter, allez, on va dire, 1 000 000 de solutions par an à travers le pays, c'est pas mal. Et si on fait autant, c'est énorme. C'est énorme. Donc, Euromed est aujourd'hui créé officiellement, elle est déclarée, etc. Publication dans le journal officiel, etc. J'en suis aujourd'hui le président. Nous avons un conseil d'administration assez étoffé, avec une particularité pour notre organisme que nous ne trouvons pas ailleurs, qui est un comité d'éthique. C'est-à-dire qu'il va un comité d'éthique qui va valider toutes nos pratiques. Toutes nos pratiques doivent être conformes à, on va dire, aux règles de base de la démocratie, aux règles de base du respect de l'autre, et un comité scientifique, parce que nous pensons pouvoir apporter aux pays du bassin méditerranéen, au-delà du DAU, parce qu'il faut bien commencer, on va commencer par là, mais peut-être pourquoi pas autre chose, il y a des qualifications qui peuvent venir après nous. Par exemple, la région Midi-Pyrénées est une région particulièrement performante dans le domaine de l'aéronautique. On sait que, par exemple, les Tunisiens travaillent déjà avec la région Midi-Pyrénées en matière d'aéronautique, mais peut-être pourquoi pas aussi permettre à de jeunes Algériens d'accéder à des qualifications post-bac en la matière et de pouvoir travailler avec une entreprise algérienne qui va être la sous-traitante d'Airbus ou de je ne sais pas qui. Très bien, très bien. Et si, par exemple, on devait prendre des contacts avec un pays comme l'Algérie, moi je dis l'Algérie parce que c'est le pays que je connais le plus, même si c'est aussi valable pour les autres pays, il s'agit de prendre contact avec qui? Par exemple, s'il y a des gens qui nous écoutent, moi personnellement, je me dis que en principe, c'est d'abord peut-être l'administration de l'enseignement et de la formation professionnelle ou de la formation tout court. Je dirais l'administration, nous ferons des démarches vers elle. Hein. Nous ferons des démarches vers elle. Nous, bien entendu, il faudra sans doute, comme nous sommes en train de le faire au moment où je m'exprime pour Euromed, pour ce qui est de son activité en France, il y a déjà un dossier qui est déposé auprès du Conseil régional Midi-Pyrénées, qui apprécie déjà le projet, mais on l'a précisé parce que pas seulement la région Midi-Pyrénées, mais toute la France a besoin du DAU. Donc il y a des contacts, il y a des dossiers qui sont préparés, et il y a, parce que notamment pour la France qui dit projet, dit aussi financement, donc on a besoin d'obtenir des financements non seulement pour les stagiaires. C'est-à-dire, en termes de rémunération, nous allons faire de telle sorte que tous les stagiaires soient rémunérés pendant cette période. C'est ça un outil, on va dire, qui a une véritable vocation sociale. Mais aussi un financement pour ce qui est de la rémunération, du fonctionnement de notre structure, payer les enseignants, etc. Ça ne se fait pas comme ça. Alors, pour le Maghreb, nous allons essayer, mais peut-être que, sans doute, les régions de France aident les structures qui interviennent en dehors de la France, et notamment pour une action éducative. Je pense que nous allons être aidés par les différentes régions françaises, mais il y a aussi l'Union européenne qui va consacrer, qui a déjà certainement une ligne budgétaire qui est consacrée à ce qu'on appelle l'Union pour la Méditerranée, et nous espérons être un lien suffisamment fort pour que l'Union pour la Méditerranée puisse se concrétiser sur le terrain. Très bien, j'espère que le message il est passé. Moi je connais un petit peu ma chaîne là et je sais que c'est plutôt une majorité de Maghrébins qui regardent, notamment les Algériens, mais je sais qu'il y a aussi nos amis de la diaspora et nos amis qui sont installés ici en France qui regardent ça. Je pense que ça les concerne. Je pense que c'est quelque chose de très important qui pourrait aider. C'est parce qu'on est tous confrontés à cette situation, hein, de malheureusement avoir un échec qui nous fait croire qu'on ne peut plus rien faire et que les portes sont fermées. Finalement, il y a des moyens, des solutions pour aller de l'avant. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé très intéressant et important de parler de ce diplôme et d'en parler avec toi-même, puisque tu es directement concerné par ça. Je pense qu'on a fait quasiment une heure ou un petit peu moins d'une heure. Pour notre émission, je pense qu'on devrait la limiter à ça, sinon elle sera un peu longue pour Internet. Si tu as un dernier mot ou un message ou des précisions qu'on n'a pas abordées, tu peux le faire, mon cher Hassan. Et je sais qu'on reviendra dans une autre émission sur un autre sujet qui est important. C'est un sujet qui est personnel à toi. On essaiera de l'aborder. Ça se passe en France. Ça ne devrait pas se passer comme ça face à la justice. On va essayer de raconter un peu ce cas, c'est ton cas personnel, oui. Mais on en parlera dans une autre émission pour lui consacrer le temps qu'il faut. Juste pour revenir sur le DAEU, est-ce que tu as un dernier mot par rapport à ça? Alors, à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas. Il y a une adresse email sur mon blog. Passez par mon blog. Vous trouverez aussi, je pense que mon numéro de téléphone, mes numéros de téléphone sont partout, mais je peux vous les redonner. La ligne fixe est le 05 65 34 71 92. Le portable, c'est le 06 79 65 23 22. Et puis, n'hésitez pas, il y a l'adresse email Euromed en minuscule point éducation @gmail.com ou mon adresse email personnelle h.r.bouguera@gmail.com. Très bien. Donc là, c'est dit. Moi-même, je mettrai tous les liens. Là où je posterai ma vidéo, je mettrai les liens qui sont cités. Et puis l'adresse mail. Je rappelle donc à nos auditeurs et nos spectateurs qui suivent cette vidéo, ils peuvent donc prendre contact avec toi s'ils veulent des informations. Ceux qui sont intéressés par cette solution que moi, je trouve miraculeuse. Je connais des gens qui, il y a un petit moment, ils auraient eu recours à cette solution pour aller de l'avant, faire des études, faire une autre formation, faire un autre cursus, trouver un autre travail, etc. Merci Absolument. Beaucoup pour ces précisions, Hassan. Hassan Rabah Bouguera, qui nous a parlé ce soir du diplôme d'accès aux études universitaires, un dispositif qui est très intéressant que je conseille. N'hésitez pas à diffuser ce lien, montrez-le à ceux que vous connaissez. Et merci beaucoup pour ces réponses. Et on se revoit dans une prochaine émission pour parler du deuxième débat qu'on voulait enregistrer. Merci beaucoup pour les réponses. Merci pour ta sympathie. Bravo pour ce que tu fais. Et j'espère qu'on se rencontrera très vite pour la prochaine émission. Merci beaucoup. Merci de ton invitation. Merci chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers web auditeurs. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous fil halqati al-qadima inshallah et portez-vous bien tahlaou. Merci beaucoup, à très bientôt. Ibqa fi ittisal ma'a al-Jazair. Istami' qanat al-Hurriya 'ala al-internet.